la troupe théâtrale du CLAF, Club de littérature, d'art et de philosophie du lycée de Bargny, a offert au public ce forum théâtral sur l'identité culturelle, c'est-à-dire le retour aux valeurs ancestrales. Car de nos jours, l'on s'opère plus dans ses identités. Pire encore, le niveau d'études des élèves est devenu très bas. Aïssa Tundoy, la présidente du CLAF, justifie le choix de ces deux thèmes. Nous avons à constater que les élèves n'ont plus un excellent niveau. Le niveau a réellement baissé. Cause pour laquelle nous avons choisi comme thème la baisse du niveau des élèves. Bon, de nos jours, les gens ne s'intéressent plus à leur culture. Ils ont laissé en rade leur culture pour aller s'approprier à une autre culture qui ne les appartenait pas. Chez les enseignants, le mal du niveau très en dessous des apprenants est à verser sur le compte du système éducatif. À sa tête, l'État. Wale Ba, professeur de français et co-conférencier, affirme. En amont, il y a un travail qui devait être fait et qui ne l'a pas été. La baisse du niveau des élèves, c'est un long processus. Ça a commencé depuis longtemps. L'État a une très grande part de responsabilité par rapport à cette tragédie-là. Je crois que les problèmes ont commencé véritablement depuis qu'on a initié cette politique de volontariat qui a donné les effets que l'on sait quoi. Pour lui, il y a bien solution à la matière, c'est-à-dire il faut que les élèves doivent être baignés de savoir. On peut envisager des solutions. Mais ce qui est évident, c'est que ces solutions-là ne pourraient pas avoir les effets escomptés dans le moyen terme, quoi. C'est dans le long terme. Mais il faut commencer dès à présent à songer à ça. Cette position de Wale Ba est partagée par son co-conférencier Abdou Diagne, écrivain, qui pourtant pardonne plus les errements de ses potaches qui ne sont que la résultante d'un système à défaut.